Thank you.

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Nous sommes le dimanche, et nous sommes le dimanche début d'après-midi, et voici l'accordéon de l'après-midi. Un petit merci, un petit bonjour aussi à Jérôme pour ce matin entre 10h jusqu'à 12h30 avec l'émission Le Téléphone Sonne et que vous allez bien sûr le retrouver la semaine prochaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h avec, comme tous les dimanches, l'accordéon. Eh bien, sans plus tarder, eh bien, je vous laisse avec la musique et je vous laisse du côté de la valse et puis juste après, le tango. Sur Arc-en-Ciel. amis, venez donc vous aussi au cabaret du grand large. En entrant, on oublie les soucis au cabaret du grand large. Pour changer les clients en amis, c'est un refrain qui s'en charge. Vous viendrez si le cœur vous en dit au cabaret du grand large. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et on continue avec le tango, et puis celui, ce sera le baon. Thank you. saison de l'été au premier glaçon. Dans les bals de toute la France, c'est un plaisir quand on le danse. Dans les fêtes du Nord au Midi et dans tous les clubs de Paris, en Bretagne et en Aveyron, c'est un rythme dans le ton. Du vaillant en toute saison, ça résout toutes les questions. Sans priver, moi je vous dis non, on se fiche du qu'en dira-t-on. Comme au temps des belles lavandières, c'est un air populaire. Il est là pour faire chanter la terre. Venez, on va tous danser. Il a un côté magique qui respire le soleil. Ça rapproche les milliers d'amoureux qui sont face à face, les yeux dans les yeux. Car les danseuses sont belles et les gars jolis garçons. Ça met au cœur des milliers d'étincelles sur un air de baillon. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Avec les morceaux d'accordéon, et voici les tcha-tcha suivis du passe-double.

on reste dans le passe-double et puis juste après la bourrée. Les filles poussent un cri et tout le monde rit. La boue ensemble de pierres folles, celle des hommes folles. C'est elle que l'on danse, toujours bien le cœur danse, en souliers, en sabots et en sautant très haut. En région sans Florène, c'est la boue de la reine. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et voici la marche et suivi de la du Fox. Sonner cabrette, accompagné d'un violon et d'un accordéon. Tout le massif central va guincher dans nos petits bals, surtout sur la musique régionale. Pour mon mariage dans mon village, toutes les cloches sonneront. Belles lyres volteront vos beaux jupons. Au son de la cabrette, ce sera chouette, soleil étant pluvieux. Ce sera toujours un mariage heureux. Belles lyres volteront vos beaux jupons. Au son de la cabrette, ce sera chouette, soleil étant pluvieux. Ce sera toujours un mariage heureux.

Quand le jour paraît sur la mer, aux îles du soleil, sous le vent léger, les flots verts sortent de leur sommeil. Barques et pirogues s'animent et voguent dans l'air vaporeux où glissent mes rêves bleus. Partout c'est l'amour qui s'éveille aux îles du soleil. Et dans la tiédeur des palmes et des fleurs, sur les plages et dans les nuages des îles du bonheur, au loin chante, chante mon cœur. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Avec la rumba et puis juste après faire un petit tour du côté de la polka.

chanson d'amour. C'est l'image de la vie, on la chante quelques jours, puis un beau soir on l'oublie, une autre vient à son tour, qui prend sa place, comme elle est venue, elle passe. Une vraie chanson d'amour. Une vraie chanson d'amour. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Comment écouter le morceau de la marche, mais voici un autre morceau marche, et puis juste après la java et qui suivra avec la musette. We'll be right back. donc cette morceau-là qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver dimanche prochain. Mais je vous laisse avec d'autres morceaux. D'accord, donc. Voilà donc, eh bien, je vous dis bon entretien à tous et puis on se retrouve aussi mardi à partir de 13h30. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. foi de ter ido lá para o meio, sem receio, a lua de começa. Aquela troca de olhares, aquela pica de andar na outra direção. E eu só sei que nada soube tão bem, só sei que esqueci tudo o que sei. Deixei à porta, olhei à volta e voou. Perto, nesta multidão, um deserto. Parece que eu e tu, dois em um, só cá estamos. A luz a mudar é de dia, pistas vazia, quem diria que estava lá no meio, sem receio, destemida, e começa. Deixei à porta, olhei à volta e voei. Thank you. velha e a ti, filho de mãe tal, deixe estar minha mãe, que Helena me vai pagar. Dê-me o cavalo branco que ele quer montar. A sogra pelo caminho alvíceras lhe veio dar. Tendes um filho varão, anjo de pôr no altar. Escuta, senhora sogra, uma coisa eu vou falar. Essa mulher que o teve não é quem o vai criar. Antena 1, 3 da tarde em Portugal Continental e na Madeira, duas nos Açores. José Manuel Pureza, o novo coordenador do Bloco de Esquerda, afirma que com ele o Bloco vai ser um partido de pontes e de diálogo. José Manuel